Zopporo, zopopotore. Zopporo, zopopotore. Zopporo, zopopotore. Zopporo. Tout le monde sait Bang Bang, Lucky Luke. Bim Bang, on joue à tous montrer avec Bang Bang, Lucky Bang Bang, Lucky Bang. Jim qui sort pour le faire. Faut changer mentalité, moun yo. Bim en danger. Pas que personne qui décide les bons gens. Oh yo yo, nous plutôt fermer des jets. Faire semblant ça va changer. Nous plutôt fermer des jets. Des petites balles ou pas tout net. Zopporo, zopopotore, zopporo, zopopotore, zopporo, zopopotore, zopporo. Zopporo, vero, vero, vero, bom. Zopporo, vero, vero, vero, bom. Zopporo, vero, vero, vero, bom. Zopporo, vero, vero, vero, bom. Zopporo, vero, vero, vero, bom. Ei, madame, da cunha um filme cowboy. Tout le monde sait Bang, bang, Lucky Luke. Bim, bang, on joue à tous montrer avec Bang, bang, Lucky, bang, bang, Lucky. Bang. Tout le monde sait Bang Bang, Lucky Luke. Cowboy Karim, yo, dégainé. Yo, titi galopé, pas même dans CIA. Sensible à la gâchette. Sensible à la gâchette. Yo, titi chakabé, pas même dans CIA. Sensible à la gâchette. Sensible à la gâchette. Yo, titi Michael Guillain, pas même dans CIA. Sensible à la gâchette. Sensible à la gâchette. Fanatique Karim, pas même dans CIA. Sensible à la gâchette. Sensible à la gâchette. Bang Bang, Lucky Bang Bang. Tout le monde sait Bang Bang, Lucky Luke. Mais Bim Bang, on joue à tous montrer avec Bang Bang, Lucky Bang Bang, Lucky Bang. Tout le monde sait Bang Bang, Lucky Luke. Bim Bang, on joue à tous montrer avec. Yo dis Richard, j'ai pas même dans CIA. Sensible à la gâchette. Sensible à la gâchette. Mais c'est pas Nibolik, pas même dans CIA. Sensible à la gâchette. Sensible à la gâchette. Tout le monde sait Bang Bang, Lucky Luke. Mais Bim Bang, on joue à tous montrer avec What's going on? Mais what's going on? Bim Bang, on joue à tous montrer avec Tout le monde sait Bang Bang, Lucky Luke. Mais Bim Bang, on joue à tous montrer avec Sensible à la gâchette. Sensible à la gâchette. Sensible à la gâchette.